poésie française du 19e siècle. Gérard de Nerval. Chimère. Livre audio enregistré en 2019 par Stefano Francobora pour le public mâle et non-voyant et les étudiants autour du monde en langue française dans le registre de la francophonie. Gérard de Nerval. Chimère. El Dediscado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi la posolipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine, j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Myrto. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posilipe altier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, au raisin noir mêlé avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand aux pieds d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Je sais pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert, c'est qu'hier tu l'avais touché d'un pied agile, et de cendres soudain l'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa tes dieux d'argile, toujours sous les rameaux du laurier de Virgile, le pâle Hortensia s'unit au myrte vert. Horus. Le dieu Knep en tremblant ébranlait l'univers. Isis, la mère, alors se leva sur sa couche, fit un geste de haine à son époux farouche, et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts. « Le voyez-vous, dit-elle, il meurt, ce vieux pervers. Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche, attaché son pied torse, éteigné son œil louche. C'est le dieu des volcans et le roi des hivers. » L'aigle a déjà passé. L'esprit nouveau m'appelle. J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle. C'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris. La déesse avait fui sur sa conque dorée. La mer nous renvoyait son image adorée. Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris. Antéros. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur. Et sur un col flexible, une tête indomptée. C'est que je suis issu de la race dentée, je retourne les dards contre le dieu vainqueur. Oui, je suis de cela qu'inspire le vengeur. Il m'a marqué le front de sa lèvre irritée, sous la pâleur d'Abel, hélas, ensanglanté. J'ai parfois de Caïn l'implacable rougeur. Jéhovah, le dernier, vaincu par ton génie, qui du fond des enfers criait « Ô tyrannie, c'est mon aïeul Bélus ou mon père Dagon. Ils m'ont plongé trois fois dans les eaux du Cocyte, et protégeant tout seul ma mère, Amélécite, je ressème à tes pieds les dents du vieux dragon. » Delphica. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore, où sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple, au péristyle immense, et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, et la grotte fatale aux hôtes imprudents, où du dragon vaincu

sentant quelque pitié, se tourna par hasard. « Allez chercher ce fou, » dit-il au satellite. 5. C'était bien lui, ce fou, cet insensé et sublime, cet Icare oublié qui remontait les cieux, ce Pathéon perdu sous la foudre des dieux, ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime. L'augure interrogeait le flanc de la victime, la terre s'enivrait de ce sang précieux. L'univers étourdi penchait sur ses essieux, et l'Olympe un instant chancela vers l'abîme. « Réponds !» criait César à Jupiter, « Amon, quel est ce nouveau dieu qu'on impose à la terre ? Et si ce n'est un dieu, c'est au moins un démon !» Mais l'oracle invoqué, pour jamais, dut se taire. Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère, celui qui donna l'âme aux enfants du limon. Vert doré. Et quoi, tout est sensible, Pythagore. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant, dans ce monde où la vie éclate en toutes choses, des forces que tu tiens ta liberté dispose, mais de tous tes conseils l'univers est absent? Respecte dans la bête un esprit agissant, chaque fleur est une âme à la nature éclose, un mystère d'amour dans le métal repose, tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t'épie, à la manière même un verbe est attaché, ne la fais pas servir à quelque usage impie, souvent dans l'être obscur habite un dieu caché. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Atelier des chimères. Manuscrit du Ménil de Gramont à Sonnet. Amadab Aguado. Colonne de saphir, d'arabesques brodées, reparaît. Les ramiers s'envolent de leur nid. De ton bandeau d'azur à ton pied de granit se déroule à longs plis la pourpre de Judée. Si tu vois Bénarès sur son fleuve accoudé, détache avec ton arc ton corset d'or bruni, car je suis le vautour volant sur Patani, et de blancs papillons la mer est inondée. L'Anassa fait flotter tes voiles sur les eaux, livre les fleurs de pourpre au courant des ruisseaux. La neige du Cathay tombe sur l'Atlantique. Cependant, la prêtresse au visage vermeil est endormie encore sous l'arche du soleil, et rien n'a dérangé le sévère portique. Ahmad, Ida Dumas. J'étais assis chantant aux pieds de Michael. Mitra sur notre tête avait fermé sa tente, le roi des rois dormait dans sa couche éclatante, et tous deux en rêvant nous pleurions Israël. Quand Tipo se leva dans la nuée ardente, trois voix avaient crié « Vengeance !» au bord du ciel. Il rappela d'en haut mon frère Gabriel et tourna vers Michel sa prunelle sanglante. Voici venir le loup, le tigre et le lion. L'un s'appelle Ibrahim, l'autre Napoléon, et l'autre Abdelkader qui rugit dans la poudre. Le glaive d'Alaric, le sabre d'Attila, ils les ont. Mon épée et ma lance sont là. Mais le César romain nous a volé la foudre. À Hélène de Mecklembourg, Fontainebleau, mai 1837. Le vieux palais attend la princesse saxonne, qui des derniers capets veut sauver les enfants. Charlemagne, attentif à ses pas triomphants, crie à Napoléon que Charles Quint pardonne. Mais deux rois à la grille attendent en personne. Quel est le souvenir qui les tient si tremblants? Que l'aïeul aux yeux morts s'en retourne à pas lents, dédaignant de frapper ses pêcheurs de couronne. Ô Médicis, les tiens seront-ils accomplis? Tes trois fils sont rentrés dans ta robe au grand pli, mais il en reste un seul qui s'attache à ta mante. C'est un aiglon tout faible, oublié par hasard. Il rapporte la foudre à son père César, et c'est lui qui dans l'air amassait la tourmente. À J.Y. Colonna. La connais-tu, Daphné, cette vieille romance? Au pied du sycomore ou sous les mûriers blancs, sous l'olivier plaintif ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents et la grotte fatale aux hôtes imprudents où du serpent vaincu dort la vieille semence? Sais-tu pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert? C'est qu'un jour nous l'avions touché d'un pied agile, et de sa poudre au loin d'horizon s'est couvert. Depuis qu'un duc normand brisa vos dieux d'argile, toujours sous le palmier du tombeau de Virgile, la pâle hortensia s'unit au laurier vert. À Louise d'Orraine, le vieux père en tremblant ébranlait l'univers. Isis la mère enfin se leva sur sa couche, fit un geste de haine à son époux farouche, et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts. « Regarde-le, dit-elle. Il dort, ce vieux pervers. Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche. Prenez garde à son pied, éteignez son œil louche. C'est le roi des volcans et le dieu des hivers. L'aigle a déjà passé. Napoléon m'appelle. J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle. C'est mon époux Hermès et mon frère Osiris. La déesse avait fui sur sa conque dorée. La mer nous renvoyait son image adorée, et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris. » À Madame Sand. Ce roc voûté par art, chef-d'œuvre d'un autre âge, ce roc de Tarascon hébergeait autrefois les géants descendus des montagnes de foie, dont tant d'eau excessive rende sur témoignage. Ô seigneur du Bartas, je suis de ton lignage, mais qui sonde mon vers à ton vers d'autrefois? Mais les vrais descendants des vieux contes de foie ont besoin de témoins pour parler dans notre âge. J'ai passé près Salzbourg, sous des rochers tremblants, la cigogne d'Autriche y nourrit les Milans. Barberousse et Richard ont sacré ce refuge. La neige règne au front de leurs pics infranchis, et ce sont, m'a-t-on dit, les ossements blanchis des anciens mondes rongés par la mer du déluge. Myrto. Je pense à toi, Myrto, divine enchanteresse, au posilipe altier de mille feux brillants, à ton front inondé des clartés d'Orient, aux raisins noirs mêlés avec l'or de ta tresse. C'est dans ta coupe aussi que j'avais bu l'ivresse, et dans l'éclair furtif de ton œil souriant, quand aux pieds d'Iacus on me voyait priant, car la muse m'a fait l'un des fils de la Grèce. Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours, le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la Sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère portique. Lettre à Loubens. 1. Quand le Seigneur, tendant au ciel ses maigres bras sous les arbres sacrés comme font les poètes, se fut assez perdu dans ses douleurs muettes et se jugea trahi par des amis ingrats, il se tourna vers ceux qui l'attendaient en bas, rêvant d'être des rois, des sages, des prophètes. Mais endormi, perdu dans le sommeil des bêtes, et se prit à crier « Non, Dieu n'existe pas ?» Il dormait « Mes amis, savez-vous la nouvelle ? J'ai frappé de mon front à la voûte éternelle. Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours. Frère, je vous trompais. Abîme, abîme, abîme ! Le Dieu manque à l'autel où je suis la victime. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus. » Mais il dormait toujours. 2. Et comme il se souvint par un effort sublime qu'il était Dieu lui-même, il craignit de mourir. Et se voyant saigner et se sentant souffrir, il appela le sol qui veilla dans Solim. « Judas, lui cria-t-il, tu sais ce qu'on m'estime. À toi de me vendre et finis ce marché. Je suis souffrant, ami, sur la terre couchée. Viens, ô toi, du moins, qu'à la force du crime. » Mais Judas s'en allait mécontent et pensif, se trouvant mal payé et plein d'un remords à vif qu'il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrits. Enfin Pilate seul, qui veillait pour César, sentant quelque pitié, se tourna par hasard. « Allez chercher ce fou, dit-il au satellite. Seconde version d'Anteros dans les ateliers de Chimère. Anteros. Tu demandes pourquoi j'ai tant de haine au cœur et sur un col flexible une tête indomptée? C'est que je suis issu de la race dentée et je retourne les dards contre le dieu vainqueur. Oui, je suis de ceux-là qui qu'inspire le vengeur. Il m'a marqué le front de sa lèvre irritée. Sous la pâleur d'Abel, hélas ensanglantée, je porte de Caïn l'implacable rougeur. Jéhovah, le dernier, vaincu par ton génie, qui du fond des enfers criait « Oh, tyrannie !» C'est mon aïeul Bélus ou mon père Mamoun. Ils m'ont plongé 3 fois dans les eaux du Cocyte et protégeant tout seul ma mère, Amalécite, je rassème à ses pieds les dents du vieux dragon. Atelier des Chimères, deuxième version, Tarascon. Ce roc voûté par art, chef-d'œuvre d'un autre âge, ce roc de Tarascon hébergeait autrefois les géants descendus des montagnes de foie, dont tant d'os excessifs rendent sur témoignage. Ô seigneur du Barthas, suis-je de ce lignage? Moi qui sonde mon verre à ton verre d'autrefois? Mais les vrais descendants des vieux hôtes de foie ont besoin de témoins pour parler dans notre âge. J'ai passé près Salzbourg sous des rochers géants, la cigogne d'Autriche y nourrit les Milans. Barberousse et Richard ont sacré ce refuge, la neige règne au fond de ces rocs infranchis, et ce sont, m'a-t-on dit, les ossements blanchis des anciens mondes rongés par la mer du déluge. Manuscrit Lovenjoul, la tête armée. Napoléon, mourant vif, une tête armée, il pensait à son fils déjà faible et souffrant. La tête, c'était donc sa France bien-aimée, décapitée au pied du César expirant. Dieu qui jugeait cet homme et cette renommée appela Jésus-Christ. Mais l'abîme s'ouvrant ne rendit qu'un vain souffle, un spectre de fumée. Le demi-dieu vaincu se releva plus grand. Alors on vit sortir du fond du purgatoire un jeune homme inondé des pleurs de la victoire, qui tendit sa main pure au monarque des cieux, frappé au flanc tous deux par un double mystère. L'un répandait son sang pour féconder la terre, l'autre versait au ciel la semence des dieux. Atelier des Chimères, manuscrit lombard, El Desdicado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi la Posilippe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la vigne salit. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai dormi dans la grotte où verdut la sirène, et j'ai 2 fois, vivant, traversé l'Achéron, modulant et chantant sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Atelier des Chimères, manuscrit corrigé, ballet des heures. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment? Car... es-tu reine, ô toi la première ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant? Aimez, qui vous aima du berceau dans la bière? Celle que j'aimais seule même encore tendrement, c'est la mort ou la morte? Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Ô sainte de Sicile, aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, sœur de Sainte Godule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Manuscrit Éluard. Le destin? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi la Posilippe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Byron, mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Atelier des chimères, deuxième version, Artemis. La treizième revient. C'est encore la première et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ou toi, ou la première, ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort. Ou la morte? Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte napolitaine aux mains pleines de feu, rose au corps violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans l'abîme des cieux? Rose blanche, tombée! Vous insultez nos dieux, tombez fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Atelier des chimères, deuxième version, Érythréa. Colonne de saphir d'arabesque brodée reparaît. Les ramiers pleurent cherchant leur nid, et de ton pied d'azur à ton front de granit se déroule à longs plis la pourpre de Judée. Si tu vois Bénarès sur son fleuve accoudé, prends ton arc et revêt ton corset d'or bruni, car voici le vautour volant sur Patani, et de papillons blancs la mer est inondée. Madeva, fais flotter tes voiles sur les eaux, livre tes fleurs de pourpre au courant des ruisseaux, la neige du Catay tombe sur l'Atlantique. Cependant, la prêtresse au visage vermeil est endormie encore sous l'arche du soleil, et rien n'a dérangé le sévère portique. Littérature française du XIXe siècle. Poésie. Gérard de Nerval. Enregistrement en livre audio pour le public mâle et non-voyant et le public des étudiants en langue française du circuit francophone universitaire. Enregistré en 2019 par Stefano Francobora. Ce texte des chimères de cet écrivain si sulfureux et que j'adore tant, Gérard de Nerval, je vous le présente dans ses deux versions. La version définitive, entre guillemets, des chimères, suivi de l'atelier des chimères qui révèle toutes les variations du texte.